La vie c'est pas un conte de fées, on vit tous dans la hesse. Pas tout rose pour tout le monde, d'ici là dans la tête. On t'analyse même quand les bleus y passent. Comportement toujours sûr de nous quand elle veut qu'on la baisse. Pas de tennisman ici, pourtant y'a que des raquettes. Ouais je suis un rat, ouais je viens des manquettes. C'est chaud la zup, même les petits font les aides. Lâche pas la zone, ils veulent contrôler tout, le moindre périmètre. La pyramide où je réside, les mauvaises nouvelles ça vient vite. Ça partage rien, ça s'encule fort, à s'en faire des hémorroïdes. On prend la gagne, des terres comme les pélos de Jean-Can. Avec les points se fait des folies, fais d'aura pour que ces gens t'épargnent. La qualité, produit certifié, 6-9 200 gros en 4K. Je réveille la cité, tout le monde invité, c'est normal. Mon identité, des aides pour la life, gros bâtard. Dans mon dos craché, mais ça vous payerait, c'est pas grave. Puis tout jeune, on aime le jaune, c'est dans nos gènes. Le cœur il saigne, on voit des signes, on voit des. Très peu de console quand toi t'es seul et on se saoule peu de fois au sol. C'est bien l'intérieur qu'on est seul. On kiffe la night mais c'est haram tout ce qu'on fait nous pour faire du boy. On veut des billets, billets, billets, billets violés. La FDJ on veut la violer. On veut des billets, billets, billets, billets violés. Respecter les noceurs, les voilés. Mazou dans le jerrycan, j'y mange en KTM. J'ai pas changé, regarde la madégaine. Toujours des terres comme quand l'Algérie gagne. On prend la canne, on gagne des fans. Grâce à eux je me prends des TN. C'est le bruit des putes, ils veulent mes potes nous voir qu'on chute. Ma lune et je peux plus me les voir tous ces fils de pute. J'suis dégoûté, les problèmes ils savent nous trouver. Je veux plus jouer, je veux pas revoir nos liens se renouer. Je fais pas la fête, je suis schlaché au-dessus toute l'année. Il me reste de pétards la mif et dans la zup c'est tout fermé. Je reçois des menaces sur Insta, les jaloux j'ai pas besoin de ça. Je suis qu'un rappeur, je pas percé, mais on dirait que moi je joue au Barça. J'suis pas de brassard, j'suis pas capitaine, j'fais de la musique, j'aime ceux qui m'aiment. J'suis pas changé pendant ce temps, mes principes c'est toujours les mêmes. Tout pour ma madre et Mia Moll, Charles la belle vue sur la mer. Et le mirador qui nique sa mère, c'est que je me vais jusqu'à commentaire. Faut rester fort, dur, comme tous ceux qui mangent des pères, ça me fait de la peine. Pour ceux dehors en plein hiver qui se la réchauffent comme des ivrognes et qu'ils en veulent à toute la terre. C'est ça les frères, pendant qu'on dort qu'on fait de la merde. J'ai dit je vais tout niquer, fuck tous ceux qui m'ont pas cru. T'es pas crédible comme alcoolique sous Red Bull. Les critiques des jaloux envers nous ils s'arrêtent pas. Incognito je fais ma vie sur le chemin, non je m'arrête plus.